Examen 3. Partie 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Première partie de l'enregistrement. Bonjour, Fitness et Forme vous accueille pour mieux vous remettre en forme. Si vous voulez vous inscrire, tapez 1. Pour être mis en contact avec un de nos professeurs, tapez 2. Si vous voulez contacter l'administration, tapez 3. Sinon, patientez un instant et nous vous répondrons le plus rapidement possible. À bientôt et n'oubliez pas que fitness et forme, ça vous remet en forme.